Singa double XXL. Au Cameroun, Gabon, Cotonou, Côte d'Ivoire. Oh, Brazza. Guinée, Théodore Obiangema. Meilleur moment y a sentiment na bolingo. Pour sauter l'okola la paix, je vais bien me marrer. Cano romantique et doli sanga moto botesi. La disangue lambana goûte la vache qui rit. Filette pambani. J'ai envie de continuer pour mélanga mwindao. Je ne m'arrêterai pas sur Dieu balon l'ikaïté. Vote singa. Ben Mouyamba. Ya Michel Mbayabo. Meilleur moment y a sentiment na bolingo. Chaco Tongue. Quand sauté le col à la paix, je vais bien me marrer. La chaleur du plaisir de siffler Oyo Yandeke. La passion pris le dessus, Ngana comité tanissé. Après l'amour, le bain, c'est une bonne idée. Kibite Maï, Nasala envahi, explosion na Bolingo. Kelor Masungi, Dominiengi. Vote Singa, Bande Yo, Benda, Manati, Kalamalere. Céline Pans, top model. J.R. Moulele. Incendie à sentiment. Bob Moukoko. Et c'est pour manger à votre malanga. Claude Moseka. Sentiment à Yokaki et Koka quitté. Vote Singa revient. Je suis toujours à toi. Vote Singa papa. Les amis de Wetch en Belgique. Bambanda n'angai moko mela maïna tonga pote singa salise n'angai moko. Papi cho matondele. Sympathie kwa kuminga mosika. Na makanisi ya bolingo na yo. Pose felisi motema n'angai. Na toni langa motema na elengyo. Na vandi langa motema na elengyo. Danao. Dota Wetina Costa, on achète une barre.